Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds mon possible pour être drôle et léger. Mais parfois c'est dur. Alors en parallèle, je fais des études pour devenir charcutier coiffeur. Mais ça me laisse pas mal de temps libre. Alors je m'émeus devant une vache, je m'éclipse devant le soleil, j'écoute le ciel quand il se fâche, je dis bonjour à l'écureuil, je cours des heures après une balle, et puis des fois je pense à elle, je rêve que je la prends par la taille, et que je lui chuchote à l'oreille des mots. Des mots qu'elle entend, des mots qu'elle entend, mais qu'elle comprend pas. Des mots qu'elle entend, des mots qu'elle entend, mais qu'elle comprend pas. Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Alors je m'émeus devant une vache, je m'éclipse devant le soleil, j'écoute le ciel quand il se fâche, je dis bonjour à l'écureuil, je cours des heures après une balle, et puis des fois je pense à elle, je rêve que je la prends par la taille, et que je lui chuchote à l'oreille des mots. Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Je cours des heures après une balle. Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Y a-t-il quelqu'un sur ma planète? Y a-t-il quelqu'un sur ma planète?